Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Depuis son enfance, Solène rêve que d'Afrique. Nourrie des récits de Laurence d'Arabie, elle a attendu impatiemment ses 18 ans pour partir. Mais où exactement? Ce n'est que le hasard de la piste qui l'amène au nord de la Namibie, dans le Kaokoland, région oubliée du monde où vivent les Himba, pasteurs à la peau couverte d'un mélange d'ocre et de graisse. Ilo, d'une société primitive et bien sûr fragile. Solène, bienvenue au Grand Bivouac. Je suis déjà venue ici il y a 3 ans. En fait, je présentais une exposition sur les Himba. Ça s'appelait « Les Himba, une vie en ocre ». C'était une exposition qu'on avait fait ensemble, avec des grands panneaux, textes et photos qui expliquaient leur mode de vie, tout ce qu'il faut savoir sur les Himba. Oui, car depuis, donc, on a fait un film ensemble. Alors, on va parler du film plus tard. Maintenant, j'aimerais juste parler de Solène. Bonjour Solène. Bonjour Alex. Pourquoi est-ce qu'un jour tu t'es dit, tiens, je vais prendre la route pour quitter la France, le pays que t'as vu naître? Ouais, alors ça me rajeunit pas ça. Depuis que j'étais toute petite, j'avais envie de partir en Afrique. 5 ans, je voulais partir toute seule en Afrique. Suite notamment au premier film que j'ai vu au cinéma, enfin au dessin animé, qui était Le Livre de la Jungle. Bon, je sais que c'est pas en Afrique, c'est en Inde, mais... Afrique, ça sonnait bien, quoi. Et donc, à 18 ans, j'avais déposé des dossiers pour avoir des petites bourses de voyage. Je sais plus, j'avais eu 3000 francs, je crois. Et donc, j'ai acheté un billet d'avion, pas cher, Luxembourg-Johannesburg. Voilà, valable 1 an. Puis, arrivé à Johannesburg, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'un avion? Je connaissais vraiment rien, vraiment pas grand-chose. Et donc là, tu avais quoi, 18 ans? Ouais, je venais d'avoir 18 ans. J'ai pris un bus, et puis un autre bus, et puis stop, bus, etc. De fil en aiguille, je me suis retrouvée en Namibie. Et là, un jour, dans la capitale, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré des photos de Himba, dont une femme qui souriait. Et je me suis dit, ah, c'est là que j'ai envie d'aller. Voilà. Alors, ça n'a pas été si simple, hein, parce que c'était juste après l'indépendance de la Namibie. Donc la région des Himba en fait commençait juste à s'ouvrir, c'est-à-dire qu'avant les Himba n'avaient pas le droit d'en sortir, il fallait une autorisation spéciale pour y entrer, ce qui explique pourquoi ils étaient encore, ils vivaient encore autant en autarcie à l'époque. Donc c'était plusieurs semaines de stop pour y aller, il y avait vraiment très peu de monde encore dans ce pays à l'époque, très peu de voitures qui passaient. Mais j'ai du mal à m'imaginer, tes parents t'ont laissé partir seul à 18 ans dans un pays anglophone sans savoir ce que tu allais y faire. Ouais, alors d'abord j'aurais pas demandé leur avis. Ensuite il se trouve que moi je vivais plus chez mes parents depuis l'âge de 16 ans, voilà. Donc si tu veux la crise d'adolescence et la séparation s'étaient déjà faites. Et à 18 ans, j'étais pas en problème avec mes parents. Je leur demandais rien, je payais mon voyage. Et en fait, eux, ils se sont pas du tout inquiétés. Le truc, alors c'est vrai que moi, j'étais partie pour 2 mois. Au bout de 2 mois, je les ai appelés en leur disant « Écoutez, je rentre pas tout de suite, vous inquiétez pas, tout va bien. » Et eux, ils ont cru que c'était une histoire de quelques jours, et en fait, je suis restée 6 mois. Et les 4 derniers mois, j'ai pas donné de nouvelles. Et là, c'est vrai qu'ils ont vraiment, flippé. Et que moi, j'ai pas du tout appréhendé, quoi. Enfin, j'avais appelé, j'avais dit que je rentrais pas tout de suite. Pour moi, il y avait pas de souci. Eux l'ont un peu mal vécu, là. Et donc là, arrivé à Johannesburg, tu dis que bus, train, taxi, tu te retrouves chez les Himba. Est-ce que tu avais déjà entendu parler des Himba avant d'y aller, ou c'est vraiment quelque chose que tu as découvert là-bas, une ethnie que tu as découverte une fois arrivé en Afrique du Sud? Ouais, non, je ne les connaissais pas du tout. Donc là, on est en Namibie. Hein. Et même une fois que je suis arrivée chez les Himba, en fait, j'ai découvert que... Enfin, je ne savais même pas qu'ils étaient éleveurs, je ne savais même pas dire bonjour, je ne savais rien du tout sur eux. C'était n'importe quoi. Ce voyage, faut être clair. Et puis donc ensuite, donc il y a une petite ville. Enfin, à l'époque, il y avait un téléphone, une station essence et une épicerie avec 3 conserves, quoi. Et là, j'ai attendu plusieurs semaines pour trouver une voiture qui pourrait me déposer au centre de la région, dans un lit de rivière. Et quand on m'a déposée là, c'était en plein hiver, donc il faisait 0 degré la nuit. J'ai passé la première nuit à courir autour de ma tente tellement il faisait froid. C'est là que j'ai réalisé que je ne savais même pas faire un feu. Enfin, c'était n'importe quoi, très franchement. Et seule à ce moment-là? Oui, toute seule. C'est génial. Et après? Bah, c'était tellement n'importe quoi que les Himbas ne pouvaient pas me laisser toute seule comme ça. Ils ont eu pitié, puis qu'est-ce que c'est que cette gamine là? Elle a pas de parents, pas d'amis, pas de bétail, donc très pauvre. Et c'est vrai, s'ils s'occupaient pas de moi, j'avais rien à manger, quoi. Et puis en fait, dès le deuxième jour, je me suis retrouvée coincée avec l'imbago, j'étais frigorifiée dans mon sac de couchage, enfin j'étais vraiment pas bien, quoi. En fait, au début, ça s'est fait par les enfants, c'est les gamins qui sont venus me voir, me toucher, prendre... faire connaissance, quoi. Alors moi, je parlais pas un mot hein, de Himba, donc tout se faisait par les gestes, le regard, des mimiques, etc. Et puis, en fin de compte, ça s'est fait très vite. La rencontre s'est fait très vite. Je partais avec les adolescents dans les campements temporaires. Donc on marchait toute une partie de la journée, on dormait là-bas, on revenait le lendemain. Et tout. J'adorais ça, marcher avec eux. Puis après, j'ai rencontré les adultes. Et puis, un jour, on est arrivé dans un campement. Vraiment, je me sentais bien. On n'a plus bougé. Et je me suis fait adopter là par une famille, voilà, enfin ceux qui sont devenus mes parents adoptifs. Puis après c'était lancé, je voulais plus repartir, quoi, j'étais bien. C'est juste incroyable. Et tu rencontrais d'autres Français à cette époque-là quand tu y étais, ou tu étais vraiment seule avec les Himba au milieu de la Namibie? Ouais. Ma grande chance en fait, c'est que je suis arrivée vraiment au moment où la région s'ouvrait. Et je pense que ce que j'ai vécu avec les Himba, je serais arrivée même un an plus tard. Deux ans plus tard, mais même un an plus tard, ça n'aurait pas été la même chose. Je suis arrivée avant tout le reste, juste au moment où tout le reste arrivait. Et j'ai appris, en tout cas, il semblerait que j'étais la première blanche à vivre avec eux depuis les années 20. Il y avait des fonctionnaires qui traversaient la région, donc ils voyaient des blancs, qui s'occupaient de surveiller si tout se passait bien, etc., mais qui ne vivaient pas avec eux. Et en fait, les derniers à avoir partagé leur vie, c'était des missionnaires ethnologues au début du siècle, quoi. Donc non, j'ai vraiment une chance extraordinaire d'arriver à ce moment-là. Et donc sur ce premier voyage, cette première rencontre, tu as passé combien de temps avec eux ? 6 mois. Je suis rentrée 6 mois en France. J'ai passé mes examens, je commençais la fac de géographie. Mais le décalage avec les enfants, les ados, enfin, tu étais jeune à l'époque, comment est-ce que tu vis ton retour en France? C'est juste incroyable à cet âge-là. Ah ouais, le premier retour a été difficile. En plus, je suis rentrée juste à Noël, donc grand froid aussi. J'étais complètement décalée, quoi. Je me promenais en tongue dans la fac. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à écrire. J'allais pas en cours, j'écrivais toute la journée. En fait, j'étais pas rentrée, quoi. Tu arrivais à partager ça avec quelqu'un autour de toi, ce que tu avais vécu, cette différence de vie, ce décalage? Est-ce que tu avais quelqu'un qui te confiait, qui te comprenait? C'est important d'être compris quand on vit quelque chose de fort. Est-ce que tu as eu cette épaule? Ouais, non, pas du tout. Non, c'est pour ça que j'ai écrit un livre, je pense. Enfin, d'abord parce que j'avais besoin d'écrire pour moi, mais justement parce que j'étais seule avec ça, je pense. Non, parce que j'étais complètement dedans, j'en étais pas sortie. Et les gens posent des questions qui sont souvent des questions maladroites, provocantes, parfois un peu méprisantes sur ces gens-là. Alors moi, j'étais revenue avec des amis. C'était vraiment des gens avec qui j'avais partagé des choses. Et personne ne pouvait le comprendre, en fait, que vraiment, je m'étais ouverte à une autre vie, quoi. C'était une vraie nouvelle existence. Enfin, ce que j'ai vécu à 18 ans lors de ce premier voyage, c'était un rêve. C'était quand même totalement génial, quoi. J'étais acceptée comme personne l'a rarement été par les Himba. Tout m'était ouvert. J'étais intégrée à une lignée d'ancêtres. Je pouvais tout faire. J'étais libre. J'étais totalement en sécurité là-bas. Tu as réappris aussi tous les codes, les langues, j'imagine. Enfin, tout a commencé par un apprentissage. Pas comme il faut, hein, sur lesquels je fais toujours des erreurs. Mais en fait, j'étais encore une enfant et c'était comme si j'avais un terrain de jeu grand comme la Suisse, quoi. La région des Himba, c'est grand comme la Suisse. Que veron ye mari kangwa mbule ti ara pero ti ma he adona maringe ari kongwa mbulete ari kongwa mbulete ari kongwa mbulete atiende tomana ngetwende tomana mugala na waju haro jomuwa kibo ya jomu ingwa nango ndubwa marenge ngungwa lipewele njima ngwa lipo ngwa mulepi. Une fois que j'étais acceptée et adoptée, c'était magnifique parce que j'avais un terrain de jeu grand comme la Suisse. La région des Himba, c'est l'équivalent de la Suisse, qui est quand même un des plus beaux déserts du monde. Et où j'étais en toute sécurité, j'arrêtais pas de bouger. Dès que je voyais un Himba aller à tel endroit, « Oh, je peux venir avec toi !» Et à un autre endroit, « Oh tiens, je peux aller là, oh tiens, je peux aller là !» C'est magnifique à 18 ans d'avoir cette liberté, cette sécurité et en même temps toute cette cet espace quoi. Tu es rentrée, mais tu es repartie. Ouais, donc je suis rentrée 6 mois et puis je suis repartie 6 mois. Voilà, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et donc là, le deuxième voyage, quand tu es retournée, tu avais un objectif, tu voulais retrouver, j'imagine, ta famille d'accueil, mais c'était pour vivre avec eux ou tu avais déjà l'idée de continuer ton écriture, faire un film ou quel était ton état d'esprit à l'époque? Juste repartir là-bas, c'est tout. Après, le reste, c'est des prétextes. Enfin, en tout cas, au début, c'était des prétextes. Donc oui, moi, j'ai commencé, du coup, j'ai fait ma maîtrise sur les Himba, mon DEA sur les Himba. La deuxième année, à chaque fois, j'avais une petite bourse de voyage pour y aller. Donc je devais ramener un reportage photo. J'ai fait un petit film aussi sur une cérémonie de mariage. Bon, mais c'est des prétextes. Enfin, la vraie raison, c'est que j'avais envie d'y retourner, c'est tout. On entend ce mot maintenant beaucoup, depuis le début, Himba. Qu'est-ce que c'est qu'un Himba? Comment est-ce qu'on définit un Himba? Alors, Himba, ça veut dire mendiant. En fait, c'était une période un peu difficile de leur histoire, où ils avaient perdu tout leur bétail à cause de la sécheresse. Et donc, ils ont dû aller se réfugier de l'autre côté du fleuve Kunene, en Angola. Et ils ont été obligés de mendier un peu de la nourriture à une autre ethnie qui s'appelle les Ngambwe. Et c'est les Ngambwe, du coup, qui les ont nommés Himba, mendiants. Mais dans l'histoire, est-ce qu'on sait un peu l'histoire, l'origine de ce peuple? Alors, les Himba font partie du groupe Herero. L'Herero viendrait de plus ou moins de l'Afrique des Grands Lacs, Afrique de l'Est, Afrique des Grands Lacs. Et en l'an 1000, ils sont arrivés en Angola. Ils ont traversé le fleuve Kunene qui fait la frontière entre l'Angola et la Namibie au XVIe siècle. Et l'essentiel des Herero est descendu jusqu'au centre de la Namibie sur les hauts plateaux. Et seul un petit groupe est resté en arrière dans le désert du Kaokoland, donc au nord-ouest de la Namibie. Et c'est ce petit groupe-là qui est devenu les Himba. Donc qui a appris à vivre en totale harmonie avec l'environnement. C'était déjà le cas avant, quoi. Ils sont complètement autonomes. C'était un peuple autonome. Oui, en fait, c'est le reste des Herero a fini par se sédentariser, a été beaucoup plus intégré à l'économie de marché, etc. Donc ce sont eux qui se sont développés autrement. Les Himba, eux, sont restés beaucoup plus tels qu'ils étaient il y a plusieurs siècles. Leurs traditions ont moins changé, je veux dire. J'aime pas trop dire ça parce que c'est faux. Évidemment que ça change constamment. Toutes les traditions changent, il n'y a rien de fixé, spécialement dans des cultures orales comme les leurs. C'est des cultures vivantes, avant tout. Yo, Donc tu es retourné aux Himba quelques années plus tard, chez les Himba, chez les Himba, donc tu disais on aspire le H Himba. H aspiré, tout à fait, les Himba. Chez les Himba quelques années plus tard, et donc là tu as pu retrouver les gens que tu connaissais. Ouais. Et ouais, non, ça s'est fait de manière, je sais pas, très simple. Très... Et donc c'est à ce moment-là qu'on a créé l'association Kova Himba, ce qui veut dire avec les Himba. Association dans laquelle, en fait, bah, c'est les Himba qui décident des projets qu'on mène. Donc la première année, c'était un forage, par exemple. La deuxième année, c'était un projet de film qu'on a fait, qu'on vient de réaliser. Maintenant, on travaille sur un centre culturel qu'ils essaient de mettre en place autour d'un endroit qui s'appelle le Rocher du Babouin. Et puis, ça c'est un petit projet, mais en fait, les Himba se posent beaucoup de questions sur le tourisme. Ils ne sont pas contents de la manière dont viennent les touristes, dont viennent les tour opérateurs. Donc ils commencent à essayer de former des guides Himba. Ce centre culturel servirait justement, les aiderait à canaliser le tourisme, à poser des règles aussi. Et donc ils ont lancé en fait pour août prochain, ils veulent inviter 8 touristes chez eux pour les recevoir vraiment à leur manière. Voilà, c'était important pour eux qu'il y ait ce projet qui vient d'eux et que ce ne soit pas toujours eux qui subissent le tourisme. Alors toi, tu l'as vécu aussi en étant chez eux, tu as dû voir des touristes arriver. Oui, évidemment. Il y a tout, enfin comment dire, il y a des touristes qui se comportent très bien, qui sont très charmants. Et puis il y en a, c'est l'horreur, comme les équipes de tournage. Ce qui est compliqué en fait, c'est que les Occidentaux ont vraiment un fantasme du Himba qui est totalement déconnecté de ce que sont les Himba. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on voit bien en fait que chaque nationalité aussi a ses fantasmes, a ses... Par exemple, il paraît que les Français, ça c'est les Himba qui me disent ça, les nouveaux guides Himba qui parlent anglais, ont toujours le mot authentique à la bouche. Donc si un village Himba qui a envie d'accueillir des touristes, alors un village Himba, un vrai village Himba avec des vrais Himba, et qui se veut vraiment accueillant et tout, eh ben, les Himba vont mettre un panneau « Welcome touristes ». Les touristes français disent « Mais jamais, jamais on veut aller là, nous on veut aller dans un village authentique ». Authentique, ça veut dire sans panneau. Il y a plein de quiproquos comme ça. Les touristes français, par exemple, ont énormément de mal à l'idée de donner de l'argent au Himba. Pour eux, le Himba est loin de ces questions monétaires, ne touche pas à l'argent, le Himba est pur. Ce qui est tout aussi absurde, les Himba aujourd'hui, ils ont besoin d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école, pour se faire soigner, pour mettre de l'essence dans leur voiture, pour ceux qui ont des voitures, pour réparer leur puits, etc., etc., pour les vaccins pour leur bétail. Mais ça gêne le touriste d'imaginer que le Himba fait aussi tout ça. Non, pour eux, le Himba, c'est que le beau sauvage qui s'occupe de ses vaches, c'est rien d'autre. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Comme souvent dans les voyages, tout le monde veut aller là où personne n'est allé. Tout à fait. Et c'est dommage parce qu'en fait, on les met dans des boîtes, on les enferme. Enfin, c'est comme une vision très réductrice. Les Himba, c'est aussi... certes, il y a des cons comme partout, mais il y a aussi des gens très intelligents. Moi, très franchement, maintenant qu'on travaille ensemble depuis 2006, tous les ans, ils me bluffent, quoi. Et souvent, ils m'apprennent des choses sur comment gérer tel ou tel problème auquel j'aurais pas pensé. Des choses vraiment novatrices, quoi. Maintenant, ils ont une capacité aussi à se saisir de la modernité sans que ça vienne interférer avec leur tradition profonde, qui est vraiment plus qu'intéressante. Et donc ici, au Grand Bivouac, tu as fait la projection d'un film. Les Himba font leur cinéma, c'est ça? Les Himba font leur cinéma. Et donc là, le concept, c'était les Himba qui allaient choisir ce qu'ils voulaient nous montrer, ce qu'ils voulaient mettre en avant, les mises en scène. Enfin, c'est vraiment eux qui sont devenus les réalisateurs, les acteurs. Tout à fait. En fait, les Himba commençaient à en avoir vraiment marre de tous ces films qui se faisaient sur eux sans qu'on leur demande jamais leur avis, ce qu'eux avaient envie de raconter. Et puis tous ces films avec des belles images d'eux et avec une voix off d'occidentale qui racontent des choses en plus souvent fausses. Voilà. Choses fausses qui se répètent de film en film, puisque les équipes viennent 2 semaines au maximum, elles n'ont pas le temps de vraiment passer du temps sur place. Donc elles visionnent des films faits les années précédentes et reprennent les mêmes erreurs. Voilà. Moi aussi, de mon côté, chaque fois que je voyais ces films sur les Himba, d'abord j'avais toujours l'impression de voir le même film. Et puis surtout, il m'est arrivé un certain nombre de fois que dans ces films, c'était vraiment des gens que je connaissais très bien, avec qui j'avais partagé plusieurs mois. Et en voyant ces films, je ne les reconnaissais pas. Ils m'apparaissaient comme des sauvages qui faisaient des rituels étranges. Et en fait, il m'a fallu un certain temps avant de comprendre que c'était la manière dont ils étaient filmés qui me les faisait paraître étranges et lointains. Et donc c'est pour ça que, et eux et moi, on a vraiment eu envie de faire notre film qui reflète à notre avis, enfin en tout cas beaucoup plus, notre expérience de la vie Himba, et la leur et la mienne. Et c'est là où on découvre aussi qu'ils ont des problématiques similaires aux nôtres. Comment gérer l'adultère, comment gérer les problèmes auxquels on fait face tous dans son quotidien. Bien sûr, dans le film notamment, par exemple, il y a une séance où il y a un monsieur qui drague une dame. Et cette femme, qui est une superbe actrice, qui l'envoie balader. Alors du coup, il va l'envoûter, tellement il est déçu. Mais cette scène de drague, qui était de l'impro totale, je veux dire, il n'y avait aucune consigne autre que un tel veut essayer de draguer, montre qu'il fonctionne exactement comme nous. Enfin, en termes d'humain, dans ce film et dans l'humour et dans plein de choses, je crois qu'on se reconnaît parfaitement. Qu'est-ce que tu en penses ? Complètement. On s'identifie complètement à ton film et à ce peuple qui nous paraît lointain quand même. Dans le film, il y a peu finalement d'accès à la technologie, il y a peu d'accès au monde matériel. Est-ce que c'est voulu d'avoir mis ça à l'écart ou est-ce que c'est eux qui ne voulaient pas montrer ça ? Non, alors d'abord dans un film on ne peut pas tout montrer, c'est 50 minutes et il y a tellement de choses qu'on n'a pas pu mettre dedans. Non, tout simplement parce que leur vie est encore très très très traditionnelle. Ils ont un portable, certains ont une voiture, mais c'est tout à peu près. C'est tout, il n'y a pas d'électricité chez eux, il n'y a pas de... Certains ont des lampes torches, voilà, pas tous. Mais sinon, par exemple, Carré Carré, qui est une des actrices principales du film, elle vit 10 mois par an dans un endroit où il n'y a quasiment aucun touriste, seule avec ses 3 enfants, et elle en a 8 en tout, mais avec les 3 plus jeunes et ses troupeaux de chèvres, et c'est tout, elle ne voit personne, elle n'a personne. Elle fume quand il y a du tabac, mais quand il n'y en a pas, elle ne fume pas. Enfin, c'est leur vie, quoi. C'est vrai, ce film montre vraiment leur vie. On a vu aussi dans le film que l'élevage a une place très importante. Oui, on voit un homme qui caresse ses vaches et qui se fait embrasser par ses vaches, qui se fait lécher par ses vaches. Oui, tout est axé autour du bétail. C'est vraiment pour les Himbas ce qu'il y a de plus important. Et alors, ce Himba-là en particulier... Tous les Himba se moquent de lui, mais parce qu'il est... C'est un peu un artiste, c'est l'artiste Himba. C'est le seul Himba qui, en fait, n'arrive pas à manger ses vaches tellement il les aime. Ou parfois, il va à la ville, il essaie d'aller vendre ses chèvres, et puis mi-chemin, il revient parce que non, il ne peut pas les vendre. Il se met à pleurer. Voilà, donc lui, il a vraiment une relation très, très particulière avec ses vaches. Est-ce qu'il y a cet attrait du monde matériel ? Est-ce qu'il y a cette envie de casser avec sa culture pour aller rejoindre les villes, gonfler les banlieues et vivre un peu plus à l'occidental ? Non, ça pas du tout. Je veux dire, pas à ce point-là. L'attrait de choses matérielles, oui, Par exemple, un tel aimerait bien une lampe torche quand même, qui marche un peu mieux que celle qu'elle a, ou une lampe torche tout court parce que c'est pratique et qui fait nuit à 6 heures, etc. Mais tous les Imba qui sont dans ce film n'ont aucune envie de quitter leur vie traditionnelle, même si elle est difficile, même si elle est dure, même s'il y a des jours où ils ne mangent pas toujours à leur faim, etc. Non, non, ils sont très très très attachés à leur tradition, à leur troupeau, à leur liberté surtout. Et je pense qu'ils ont conscience d'avoir une vie spéciale. Et c'est vrai que les conflits qu'il y a avec le gouvernement aujourd'hui, parce que ça ne se passe pas bien du tout entre eux et le gouvernement, c'est parce que le gouvernement essaie de les cadrer. Le gouvernement voudrait par exemple qu'ils marquent leur bétail. Comme ça, ils pourraient évidemment payer des taxes. Pour les Imba, l'idée qu'ils soient plus libres de manger une vache, une de leurs vaches quand ils veulent, qu'ils doivent prévenir quelqu'un, ça les rend malades. Oui, c'est des hommes libres au début, enfin avant tout. Ils ont l'habitude de bouger, de se déplacer sans demander l'avis de personne, et ça pour eux c'est quelque chose de très important à conserver. Tu as une scène dans le film très rigolote où tu vois les Imba qui jouent le rôle des touristes, qui se déguisent, qui se maquillent, qui portent des vêtements occidentaux. Et qui rentrent dans le village avec des appareils photo autour du cou à donner des bonbons. Comment est perçu réellement le touriste par les Imba? Est-ce qu'il est le bienvenu? Est-ce que c'est une leçon qu'ils ont voulu donner à travers cette scène? Quelle était l'idée à travers cette scène du film? Alors dans cette scène encore, c'est vraiment de l'impro. Hein. C'est donc tout vient d'eux. Donc oui, évidemment, qu'ils ont montré une réalité, quelque chose qu'ils vivent. De manière récurrente. Et les Imba sont des gens vraiment accueillants et ils sont favorables au tourisme, ils veulent du tourisme, ils en demandent, mais pas sous n'importe quelle condition. Et c'est vrai qu'ils sont assez mécontents du type de tourisme qui existe aujourd'hui. Des touristes qui viennent, alors le pire pour eux, c'est les touristes qui viennent sans guide, sans tour opérateur. Les touristes qui sont étrangement souvent ceux qui ont les meilleures intentions. Ceux qui disent oui, on veut respecter les Imba, on veut sortir des sentiers battus, ceux qui veulent justement de l'authentique. Voilà. Mais ils arrivent sans guide, sans interprète, donc sans personne pour leur expliquer les règles et sans personne qui va leur permettre de communiquer avec les Imba. Et là, c'est la catastrophe. Et ça, les Imba le vivent très très mal. Parce que c'est une intrusion, parce que pour les Imba, c'est un travail quand même, c'est-à-dire qu'on leur prend leur temps, donc les Imba, ils attendent d'être payés. Et pour eux, c'est violent. Ce que veulent les Imba, c'est des échanges. Pour eux, c'est important qu'il y ait un interprète qui puisse leur permettre aussi à eux de poser des questions, de parler, juste pas de subir, d'être touché, d'être tripoté comme ça, comme des sauvages. Et puis, c'est un boulot pour eux. Donc pour eux, oui, ils sont tout à fait prêts à tout donner, tout expliquer pendant tant de temps, mais c'est contre rémunération. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, donc le voyageur baroudeur qui sort des sentiers battus fera plus de mal que celui qui vient avec un voyage organisé. Oui, parce que les tours opérateurs, c'est quand même plus ou moins les mêmes qui font cette région-là depuis 10 ans, 15 ans. Donc ils connaissent quand même, pas forcément très bien, mais un peu les Imba. Ils n'ont pas envie d'avoir de problème avec leur groupe. Et quand ils vont chez les Imba, ils vont tous prendre un guide Imba. Donc au moins il y a un interprète, au moins il y a ça. Et c'est quand même un minimum encadré, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un avant qui va leur dire « Essayez de ne pas faire ceci, essayez de ne pas faire ça, etc. etc. » Les touristes qui vont tout seuls, ils n'ont personne pour leur donner de ligne de conduite, je dirais. Et c'est là où on fait des erreurs et on fait des choses à ne pas faire. Oui, oui, tout à fait. Bon, ou un message peut-être, un message des Imba que tu as envie de nous transmettre. Oui, il y a Imba un jour, c'est carré-carré. Qui est une des actrices principales du film, là, qui a toujours des phrases, des formules pas croyables, qui a dit un jour, mais tous ces blancs, on a l'impression qu'ils ont une tête très grande, mais quand ils pensent à nous, quand ils parlent de nous, leur tête, elle est toute petite. Solène, je sais pas ton nom. Bardet. Solène Bardet, les Imba font leur cinéma, et un bouquin aussi, je crois. Pieds nus sur la terre rouge, chez Robert Laffont. Merci Solène. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher,